je t'aime. Et puis j'ai voulu voler de mes ailes. Je voulais vivre d'autres amours, d'autres je t'aime, d'autres toujours. Mais c'est de toi que je rêvais la nuit, mon amour. Pardonne-moi ces caprices d'enfant, pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. C'était vouloir et connaître de la vie, trop vite peut-être. C'était découvrir la vie avec ses peines, ses joies, ses folies.